Today, I would like to talk about feelings. I would like to continue to explain about feelings. There are three kinds of feelings. Pleasant feeling, sukha vedana. Unpleasant feeling, dukkha vedana. Neither pleasant nor unpleasant feeling, adukkha masukha vedana or upekkha vedana. And the Satipatthana Sutta, the Buddha taught. Aujourd'hui, je vais vous parler des sensations. Je vais poursuivre mon enseignement à ce sujet. Il y a donc trois sortes de sensations. Les sensations agréables, sukha vedana, les sensations désagréables, dukkha vedana, les sensations qui ne sont ni agréables ni désagréables, adukkha asukha vedana, autrement dit upekkha vedana. C'est ce qui est expliqué dans le Satipatthana Sutta. Le yogi qui pratique la méditation vipassana va commencer par expérimenter les sensations désagréables, dukkha vedana. Il n'aura pas encore expérimenté au début la sensation agréable, sukha vedana, à moins que son attention ne soit très forte. Lorsque l'attention est développée et que le yogi réussit à maintenir son esprit fixé sur l'objet présent, il va ressentir sukha vedana. Hier, je vous ai expliqué comment un yogi qui pratique de façon diligente, qui emmène son attention avec lui pendant toute la journée, commence par expérimenter les sensations désagréables et finalement expérimente les sensations agréables. Mais un yogi qui ne se montre pas patient avec la douleur, qui change de posture trop souvent, ne pourra pas ressentir les sensations désagréables. Il n'est pas facile de comprendre la sensation qui n'est ni agréable ni désagréable, à moins que l'esprit qui note ne soit devenu puissant. Je vous ai expliqué comment le méditant en arrive à expérimenter ces sensations qui ne sont ni agréables ni désagréables, et je vous ai donné des explications qui sont conformes à l'enseignement du Bouddha. Un jour, le yogi qui travaille de façon diligente réussira à expérimenter ces sensations qui ne sont ni agréables ni désagréables. Le Bouddha explique également que les sensations agréables, les sensations désagréables et les sensations qui ne sont ni agréables ni désagréables sont de diverses sortes. Il y a samissa et niramissa. Samissa sukha, niramissa sukha. Samissa dukkha, niramissa dukkha. Samissa upekkha, niramissa upekkha. Samissa sukha, c'est la sensation agréable qui est associée au plaisir sensuel. Niramissa sukha, c'est la sensation agréable qui n'est pas associée au plaisir sensuel. On peut parler également de la sensation agréable mondaine et de la sensation agréable supramondaine. Si je parle des sensations agréables associées au plaisir sensuel ou des sensations agréables qui ne sont pas associées au plaisir sensuel, on comprend facilement. L'être ordinaire vit dans le monde des plaisirs sensuels, kama bhava. Nous sommes très heureux dans le monde des plaisirs sensuels. Nous aimons beaucoup voir des objets visibles agréables. Nous aimons beaucoup entendre des sons agréables. Nous aimons beaucoup sentir de bonnes odeurs. Nous aimons beaucoup goûter de bonnes saveurs. Nous aimons beaucoup avoir des touchers agréables. Et nous aimons beaucoup penser à des choses agréables. C'est la condition de l'être ordinaire. C'est de cette façon que l'être ordinaire se complaît dans le monde d'expériences sensorielles. En tant qu'êtres humains, nous avons toutes sortes de possessions. Nous avons des possessions internes et des possessions externes. Les possessions externes sont par exemple les maisons, les voitures, les vêtements, etc. Les possessions internes sont par exemple l'éducation, l'intelligence, les parties du corps, comme je vous l'ai expliqué hier, on aime avoir de beaux yeux, un beau nez, etc. Ce sont donc tous des objets ressentis comme agréables, désirables, et nous sommes heureux de les posséder. Si vous avez des possessions qui sont ressenties comme agréables, vous serez heureux. Par exemple, vous êtes heureux d'avoir de beaux yeux, vous êtes heureux d'avoir une belle apparence physique. Tout cela fait naître en vous une sensation agréable. Lorsqu'on pratique Vipassana, notre but n'est pas de nous attarder à ces choses. Notre but, c'est d'observer très attentivement l'abdomen, l'objet primaire, c'est-à-dire les mouvements de soulèvement et d'abaissement. Nous devons essayer de noter ces mouvements le plus attentivement possible. Mais l'esprit ne reste pas longtemps sur cet objet, sauf si l'attention est déjà très développée. L'esprit se met très vite à penser. Il s'égare dans les pensées. Et ces pensées vont avoir rapport soit aux objets internes, le corps, les parties du corps, les possessions, soit aux objets externes. On pense à sa famille, on pense à ses biens, etc. On peut tout imaginer en pensée. Si la pensée est agréable, nous allons nous sentir heureux. Que faut-il faire alors? Il faut tout simplement noter « heureux ». Heureux. Ce sont les instructions qui figurent dans le Satipatthana Sutta. Sayadaw essaye d'expliquer du mieux qu'il peut, le plus clairement possible. Nous essayons donc de maintenir notre esprit fixé sur l'objet primaire, mais nous n'y arrivons pas, parce que notre esprit est encore très faible. Il s'envole toujours dans les pensées. Nous nous mettons à fantasmer, et nous aimons rester dans ce monde des plaisirs sensuels. Nous nous souvenons de toutes sortes d'expériences que nous avons eues dans le passé, et si ces expériences sont agréables, nous nous sentons heureux. Il faut alors, tout simplement, noter « heureux, heureux ». Si notre attention est forte, nous pourrons voir que ce sentiment de bonheur disparaît au moment où nous le notons. Ce type d'expérience, c'est donc Samissa Sukha, le bonheur qui s'enracine dans le plaisir sensuel. Nous devons donc noter cette sensation agréable, ce bonheur. Si nous ne notons pas cette sensation agréable, nous serons forcément amenés à souffrir. Mais si nous réussissons à la noter, nous échapperons à la souffrance. Au début, lorsque l'esprit entend en contact avec un objet plaisant, c'est très souvent l'oba, le désir, qui va se manifester. L'oba, le désir, c'est l'attachement. Mais si vous êtes capable de noter, voir ou penser, se souvenir, au moment précis où ces choses se manifestent dans votre esprit, cet esprit n'ira pas au-delà du simple fait de voir, de penser, de se souvenir. Le désir ne pénétrera pas dans votre esprit. Au moment donc où le méditant note attentivement voir, penser, se souvenir, il est impossible que le désir pénètre dans son esprit. C'est la qualité de l'attention. Niramissa Sukha. La sensation agréable qui n'est pas associée au plaisir sensuel. Ce type de bonheur concerne le yogi. C'est la qualité de l'attention du yogi. Si votre attention n'est pas forte, vous ne pourrez pas expérimenter Niramissa Sukha. Car si l'attention n'est pas développée, le méditant oublie de noter. Et il expérimente alors Samissa Sukha, le plaisir qui s'enracine dans le monde d'expérience sensorielle, dans les plaisirs sensuels. Niramissa Sukha est donc associé à une attention développée. Le yogi travaille dur, il développe son attention. Il note sans interruption les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Vous savez tous que ce n'est pas facile d'y arriver, car l'esprit est difficile à contrôler et refuse de rester sur l'objet. Mais vous réussissez cependant à noter ces mouvements, ainsi que tous les autres objets qui se présentent à chaque instant. Vous disposez dorénavant de la force de l'attention. Vous voyez très clairement le mouvement de soulèvement et ensuite le mouvement d'abaissement. Et au moment où vous observez très attentivement ces mouvements, vous expérimentez de la dureté, de la douceur, de la chaleur. Vous expérimentez ce type de sensation partout dans le corps. Vous êtes également capable de noter, voir, entendre, sentir, etc. Et peut-être réussissez-vous même à voir les apparitions et disparitions de ces phénomènes. Lorsque vous observez attentivement le mouvement de soulèvement, vous constatez qu'à la fin de ce mouvement, il n'existe plus. Lorsque vous observez attentivement le mouvement d'abaissement, vous constatez qu'à la fin du mouvement, il n'existe plus. Quand vous avez développé votre attention, qu'elle est devenue puissante, vous êtes donc capable de voir que dans un seul mouvement de soulèvement, il y a une succession de petits mouvements qui se succèdent les uns après les autres. Vous voyez tout cela très clairement. Comme vous voyez tout cela très clairement, vous devenez confiant. Cette confiance va introduire dans votre esprit la joie. Ce type de joie, c'est la joie, le plaisir, la sensation agréable qui n'est pas associée au plaisir sensuel. En effet, au moment où vous expérimentez ce type de bonheur, il n'y a dans votre esprit ni désir, ni attachement, ni colère, ni énervement. Vous êtes très calme et heureux. Vous expérimentez alors ni Ramisa Sukha, le bonheur qui ne s'enracine pas dans les plaisirs sensuels. Les yogis qui en sont donc arrivés là se sentent très heureux dans leur pratique. Ils sont capables de voir les apparitions et disparitions des phénomènes. On peut dire que ces yogis expérimentent vraiment Niramisa Sukha, la sensation agréable qui n'est pas associée au plaisir sensuel. Sayadawji explique que ceci pourrait être comparé au fait de manger du pain sans rien y ajouter. Plus vous mâchez, plus vous expérimentez le véritable goût du pain. Samisa Sukha, la sensation agréable qui s'enracine, qui est associée au plaisir sensuel, pourrait être comparée au fait de cuisiner et d'ajouter toutes sortes d'ingrédients. Vous ajoutez des oignons, vous ajoutez de la sauce de poisson qui ne sent pas toujours bon pour les Occidentaux, dit Sayadaw. Vous ajoutez toutes sortes d'épices, et si vous n'ajoutez pas toutes ces choses, la nourriture va vous sembler fade, monotone. Elle n'aura pas de goût. Ici, on vous demande d'observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Au début, cela vous semble monotone, inintéressant, et vous vous ennuyez. Mais plus vous notez, mieux vous comprenez, et votre compréhension va s'approfondir de plus en plus. Vous allez finalement réussir à détenir Sampajana, une compréhension très profonde. Lorsque vous en serez arrivé là, cela ne vous semblera plus monotone, vous serez très heureux dans votre pratique de vipassana. J'espère que les yogis ont compris en quoi consiste Samisa Sukha, la sensation agréable associée au plaisir sensuel, et Niramisa Sukha, la sensation agréable qui n'est pas associée au plaisir sensuel. Voyons maintenant Samisa Dukha, la sensation désagréable associée au plaisir sensuel, et Niramisa Dukha, la sensation désagréable qui n'est pas associée au plaisir sensuel. Nous allons parler d'abord de Niramisa Dukha, tout simplement parce que les yogis travaillent de façon diligente et les expérimentent. Conformément à ce qui est expliqué dans les Écritures, Vipassana, c'est observer tout ce qui se manifeste dans le corps et dans l'esprit, à commencer par les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, qui est l'objet primaire d'attention. Tôt ou tard, les sensations désagréables vont se manifester. fatigue, tension, dureté, etc. Le yogi applique les instructions et ne change pas de posture. Il observe attentivement cette sensation désagréable. Il n'abandonne pas facilement. Il travaille avec détermination. Il note donc douleur, douleur, très attentivement, avec beaucoup de précision. Et il voit que cette douleur augmente d'intensité. Il n'abandonne toujours pas. Il comprend de mieux en mieux la nature de la sensation désagréable. Ce type de sensation désagréable est précisément Niramissa Dukkha, la sensation désagréable qui n'est pas associée au plaisir sensuel. Lorsque la douleur s'intensifie, le yogi va se sentir découragé. Il y aura de la colère dans son esprit. Ce découragement, cette colère, c'est une sensation mentale désagréable. Le Bouddha nous parle de Chetasika Dukkha et de Kayika Dukkha. La sensation physique désagréable, Kayika Dukkha, et la sensation mentale désagréable, Chetasika Dukkha. La douleur physique est très intense et elle fait naître une sensation mentale désagréable. Le yogi poursuit sa pratique, continue à observer et constate, remarque que cette sensation désagréable n'est pas solide, qu'elle n'est pas continue. Il voit une sensation désagréable, il la voit disparaître, une autre apparaît, elle disparaît à son tour, une troisième apparaît, elle disparaît à son tour. Ce yogi voit les apparitions et disparitions successives de la sensation désagréable. Ceci, c'est Niramissa Dukkha, la sensation désagréable qui ne s'enracine pas dans le plaisir sensuel. Lorsqu'il voit ainsi les apparitions et disparitions des sensations désagréables, il se sent heureux, il se sent en paix. Il expérimente alors Niramissa Sukha, le bonheur qui ne s'enracine pas dans les plaisirs sensuels. Si vous ne comprenez pas clairement ce que le Bouddha a enseigné, vous pourriez penser que cette doctrine est pessimiste, parce que il semble qu'il n'y ait pas moyen de se libérer de la souffrance. Mais en fait, cette doctrine n'est pas pessimiste, car le Bouddha nous enseigne la méthode pour nous libérer de la souffrance par l'attention. Si vous notez très attentivement ces sensations, en fin de compte, vous vous sentirez heureux, paisible. Vous comprendrez la nature du corps et de l'esprit, et vous aurez cette compréhension. Cette compréhension vous viendra de votre propre pratique. Niramissa Dukkha, la souffrance qui ne s'enracine pas dans le plaisir sensuel, est donc quelque chose d'optimiste. Voyons maintenant Samissa Dukkha, la souffrance associée au plaisir sensuel. Imaginons que nous ayons une belle voiture, une belle maison. On nous la vole. Que va-t-il se passer? Nous serons tristes. Si nous avons des membres de notre famille qui disparaissent, nous serons tristes également. Si nous ne réussissons pas à contrôler notre esprit, la souffrance va également se manifester. Tout ceci, c'est Samissa Dukkha, la souffrance associée au plaisir sensuel. Il faut tout simplement noter ces choses. Si nous réussissons à tout noter, ces choses n'apparaîtront pas ni dans notre corps, ni dans notre esprit. Niramissa Dukkha, la souffrance qui ne s'enracine pas dans le plaisir sensuel. En fait, c'est la première chose que le méditant va expérimenter. C'est le premier type de dukkha que le méditant va expérimenter. Lorsque les sensations désagréables se manifestent, nous devrons nous montrer patients. Nous devrons lutter pour surmonter ces sensations désagréables. Plus nous noterons, plus notre attention va se développer. Lorsque cette attention sera devenue forte, nous serons en mesure d'accepter ces sensations désagréables. Notre esprit va alors se stabiliser. Nous n'aurons plus peur. Mais tout ceci est très difficile. Il faut faire preuve de beaucoup de courage pour observer ces sensations désagréables. Nous devrons avoir beaucoup de détermination et une énergie mentale très développée. Les yogis réussissent parfois à se montrer patients avec la sensation douloureuse. Un yogi qui donc réussit à noter avec patience va comprendre la nature de la douleur. Il va comprendre que la sensation douloureuse change constamment. Parfois, elle augmente d'intensité, parfois elle diminue d'intensité, elle se transforme, etc. Lorsque l'attention est très développée, le yogi expérimente donc niramisa, dukkha, la souffrance qui ne s'enracine pas dans le plaisir sensuel. Lorsque le yogi réussit à noter très attentivement, on peut dire qu'il reste dans son domaine. Il détient Gochara Sampajana, la claire compréhension du domaine du yogi. Mais si le yogi ne détient pas Gochara Sampajana, il ne sera pas possible pour lui de comprendre la sensation désagréable. Il ne comprendra pas que cette sensation désagréable n'est pas solide. Il ne comprendra pas qu'elle n'est pas continue. Voyons maintenant Niramisa Upeka et Samisa Upeka. La sensation neutre qui est associée au plaisir sensuel, la sensation neutre qui n'est pas associée au plaisir sensuel. Je vais parler de la sensation neutre qui n'est pas associée au plaisir sensuel, car c'est l'expérience du yogi. Vous notez donc la sensation douloureuse chaque fois qu'elle se manifeste. Vous le faites sans arrêt, sans interruption, avec patience. Et vous voyez tout doucement que ces sensations n'en finissent pas d'apparaître et de disparaître. Vous voyez tous les changements au niveau de la sensation douloureuse. On peut dire alors que vous expérimentez la rapide apparition et disparition des objets. Au début, vous expérimentez l'apparition et la disparition des objets, mais de façon lente. Vous notez le mouvement de soulèvement de l'abdomen, ensuite le mouvement d'abaissement de l'abdomen. Lorsque vous notez le mouvement de soulèvement, vous voyez un seul mouvement qui disparaît à la fin. Lorsque vous notez le mouvement d'abaissement, vous voyez un seul mouvement qui disparaît à la fin. Mais lorsque votre attention se sera renforcée, qu'elle sera devenue puissante, dans un seul mouvement de soulèvement, vous pourrez voir une succession de petits mouvements de soulèvement. Lorsque vous pratiquerez la marche et que vous observerez attentivement le mouvement, vous pourrez là aussi voir que dans un seul mouvement d'élévation du pied, il y a une suite ininterrompue de petits mouvements d'élévation. Vous voyez les petits segments. On peut alors dire que vous voyez les apparitions et disparitions rapides. Vous allez pratiquer ainsi en voyant toutes ces apparitions et disparitions. Vous allez petit à petit vous habituer à voir ces apparitions et disparitions. Votre esprit va mûrir, il va devenir stable, il ne sera plus excité par le fait de voir toutes ces apparitions et disparitions. Lorsque l'inquiétude, par exemple, se manifeste dans votre esprit, vous êtes capable de noter tout simplement cet état d'esprit et vous le voyez disparaître. Lorsque la peur se manifeste dans votre esprit, vous êtes capable de la noter et elle disparaît tout naturellement. Vous êtes capable de voir les objets qui disparaissent, quels qu'ils soient. Votre esprit est devenu très tranquille, très calme. Il se trouve alors entre la sensation agréable et la sensation désagréable. Si donc nous pratiquons la méditation vipassana de façon diligente, nous pouvons atteindre ce stade et nous pouvons expérimenter les sensations neutres. Notre esprit sera alors devenu très mûr. Lorsqu'on nous critiquera, nous ne nous fâcherons pas. Nous saurons ce que nous devons faire. Et lorsqu'on fera notre éloge, nous ne serons pas surexcités. Nous pouvons tout accepter de façon équanime. Si donc nous avons réellement atteint ce stade, notre esprit va devenir neutre, stabilisé. Et c'est une très bonne chose, car avant d'atteindre l'illumination, cela va nous aider dans la vie de tous les jours. C'était donc les sensations neutres qui ne sont pas associées au plaisir sensuel. Voyons maintenant les sensations neutres associées au plaisir sensuel. C'est très facile à comprendre, très simple dans la vie de tous les jours. Il nous arrive souvent de nous trouver dans des situations qui ne nous intéressent pas particulièrement. Nous les ignorons tout simplement. Ce sont donc là des sensations neutres associées au plaisir sensuel. Lorsque ce type de sensation se manifeste dans notre esprit pendant la méditation, nous devons également les noter. Aujourd'hui, je vous ai donc expliqué en quoi consistent les différents types de sensations sur base de ce qui est expliqué dans le Satipatthana Sutta. Samissa Sukha, la sensation agréable associée au plaisir sensuel. Niramissa Sukha, la sensation agréable qui n'est pas associée au plaisir sensuel. Samissa Dukha, la sensation désagréable associée au plaisir sensuel. Niramissa Dukha, la sensation désagréable qui n'est pas associée au plaisir sensuel. Samissa Upekkha, la sensation neutre associée au plaisir sensuel. Niramissa Upekkha, la sensation neutre qui n'est pas associée au plaisir sensuel. That is enough for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are, then attain Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.